Chapitre 22e. C'est à Stralsund, s'écria la princesse, descendant au jardin dès que la rumeur de l'incendie parvint à Glenwald. Non, c'est plus près de nous, criait-on autour d'elle. Debout, immobile, plus pâle que de coutume, les cheveux un peu défaits par le vent qui soufflait en tempête, Anna regardait la lueur rouge qui irradiait le ciel. Les arbres se tordaient et craquaient sous la rafale. L'air était étouffant, chargé de nuages de poussière, et la lueur devenait à chaque instant plus aveuglante. Mon Dieu, comme elle paraissait voisine. Certainement non, ce n'était pas Stralsund. C'était beaucoup, beaucoup plus près. « C'est à l'homme !» prononça quelqu'un avec décision, et Anna se mit à courir sans mot dire. « Où allez-vous, tante Anna ?» interrogea Letty, courant après elle. Depuis la triste affaire du quatrain, elle suivait Miss Estcourt comme un chien battu. « À la ferme, je sais qu'il y a une pompe à incendie, il faut l'envoyer. » Se tenant par la main, elles coururent en silence. Le vent se calmait un peu et elles entendaient le tocsin sonner à l'homme. Tout à coup, l'unique cloche de Kleinwald se mit aussi à teinter avec une note lugubre toute différente de son insignifiante petite voix des dimanches. Frau Delwig, qui se tenait sur sa porte, se montra assez récalcitrante quand Anna demanda impérieusement les pompes. Les hommes étaient à souper. Elle n'avait personne sous la main. Elle ne savait à quoi cela servirait. Son mari n'était pas là et elle n'osait prendre cette décision sur elle. Heureusement, Delwig, survenant à cheval, donna les ordres nécessaires et la lourde machine se mit bientôt en marche. « Si nous allions aussi à l'homme, tante Anna, » s'écria Letty. « C'est vrai. La voiture, Frau Delwig. Ayez l'obligeance d'ordonner qu'on attelle à l'instant. » La gracieuse demoiselle veut aller à l'homme. « Oui, veuillez appeler Fritz. À cette heure. »« Oui, oui, Fritz, Fritz, attelez. Dépêchez-vous, ne perdons pas de temps. » Et tandis que Frau Delwig demeurait pétrifiée d'indignation, même un Bräutigam, un fiancé en combustion, ne pouvait excuser un tel manquement en convenance, pensait-elle. Anna courut elle-même aux écuries, activer les mouvements du vieux cocher. « La princesse est là qui vous cherche, » lui dit Letty lorsqu'elle revint. « Je craignais que vous ne soyez déjà partie pour éteindre l'incendie à vous toute seule, » dit Madame de Penheim en souriant. « Heureusement j'arrive à temps pour vous prêter mon concours. » Elle mit une écharpe sur la tête nue de la jeune fille, sa mante bleue sur ses épaules. Anna la laissait faire, immobile, les yeux dilatés. Enfin, l'antique équipage roula lentement hors des écuries, vint se ranger devant le perron. Les deux dames et la fillette y prirent place. Poussé par la voix d'Anna, Fritz fouette son attelage. En route ! Les arbres sombres semblent tournoyer sur le ciel embrasé. Miss Estcourt ne peut retenir un cri en débouchant sur la plaine. Car on croirait entrer dans une mer de feu. Les chevaux reculent, et ses bonds en tremblant, et le vieux Fritz à peine à les maintenir. Anna saute à terre et s'élance en avant. La princesse, plus lente et plus lourde, descend à son tour en s'appuyant sur Letty et la suit aussi vite qu'elle peut. Toute la population du village se pressait autour du château. On avait formé la chaîne, passant les seaux pleins de main en main. Anna reconnut Manske, Delwig, Axel, qui dans les mois du moment se parlaient sans rancune. Les pompes dirigeaient leurs jets sur le rideau d'arbres planté entre les écuries et la maison. Des hommes s'évertuaient déjà à couper les plus menacés, et on entendait le bruit sec des coups de hache au-dessus du tumulte général. De temps à autre, un des arbres s'abattait avec fracas au milieu de ses frères encore debout. Deux cigognes qui nichaient depuis des années dans un des toits, en flammes maintenant, avaient mis leurs petits en sûreté dès la première alarme en les jetant à bas du nid. Les vieux montaient la garde dans le sillon auprès des petits, piaillants et à moitié meurtris. Leur plumage se détachait sur le fond embrasé avec un éclat de perles. On eût dit des oiseaux de rêve, des cigognes transfigurées, spiritualisées dans une gloire ardente. Anna, les lèvres contractées, le visage pâle, serrant son écharpe sous son menton pour se protéger de la chaleur atroce, se tenait debout, contemplant de tous ses yeux le terrible spectacle. On la reconnut à sa vaporeuse robe blanche, à sa mante bleue, et les villageoises commencèrent à se pousser le coude et à chuchoter en la regardant. « Comment le feu a-t-il pris ? » demanda Miss Estcourt à une des femmes. « On ne sait pas, personne n'en sait rien. On pense qu'on l'a fait exprès. » répliquèrent plusieurs voix à la fois. « Fait exprès ? » répéta Anna confondue. « Qui donc serait capable de mettre exprès le feu à un endroit habité ? » Mais on ne lui répondit qu'en branlant la tête et haussant les épaules. De nouveau, elle se mit à regarder le feu comme fascinée. Au milieu du tumulte, de l'émoi général, Miss Escort fut frappée du sang-froid d'Axel. Calme, vigilant, en pleine possession de lui-même, il donnait les ordres nécessaires sans perdre un instant la tête. À côté de lui, Delvig, criant, jurant, soufflant et suant, semblait le propriétaire éperdu des bâtiments en flammes, et tout étranger survenant aurait reçu l'impression qu'il voyait en lui la victime du sinistre. L'impassibilité d'Axel ne frappa pas seulement Miss Escort. D'autres la remarquèrent et ne furent pas loin de la blâmer. Les commentaires commencèrent dès lors d'aller bon train. Delvig et les gens de sa caste, ayant coutume de mener grand bruit autour de tous les événements piètres ou importants de leur existence, le calme d'Axel, devant l'écroulement de ses écuries, leur parut plutôt suspect. « C'est ennuyeux, » dit-il plusieurs fois. On fut unanime à trouver l'expression bien faible. Les écuries sont assurées pour une forte somme, je crois ? Interrogea Delvig, observant étroitement M. Delhomme. Oui, je pourrais en faire reconstruire de plus modernes et de plus commodes. Mais la perte de temps, l'arrêt des travaux en pleine saison de moisson. Pensa Anna. Ce pauvre Axel, qui n'a pas d'argent à perdre, je le sais, ne pourra que souffrir de tout ceci. Comme s'il répondait à sa pensée, Axel tourna la tête et la vit. Vous ? S'écria-t-il. En quelques longues enjambées, il fut auprès des trois dames. « Oui, nous sommes là, » dit la princesse de son air cordial. « Le moyen de laisser griller notre voisin sans venir aider à l'arroser un peu ? Mais sérieusement, on dit que ceci ne vous causera pas de réel dommage, au contraire. J'avoue que j'aurais préféré le statu quo. Le mieux est l'ennemi du bien, dit-on, mais il faut se résigner à l'inévitable. » Il invita ses visiteuses à entrer se reposer chez lui. « Vous êtes bien pâle. Vous semblez inquiète, » dit-il en regardant tendrement Anna. « Pourquoi donc ? C'est le feu qui vous a fait peur ?»« Tout est assuré, je vous en donne ma parole. Je n'aurai que l'ennui de faire rebâtir. » Mais il ne pouvait demeurer et courut prêter main forte pour abattre un arbre. « Nous ne ferions pas mal, en effet, » dit la princesse, « d'aller voir ce qui se passe chez Axel, car on pourrait bien profiter du désordre pour dérober quelque chose. De plus, il aura besoin de se restaurer après cette alerte, et je suis bien certaine que sa femme de charge aura complètement négligé de rien préparer. Toutes les femmes de charge de célibataires sont les mêmes. » Anna convint que cette manière de venir en aide à leurs voisins serait assez pratique, et elles se dirigèrent vers le château. Un pan de mur s'écroulait avec fracas, en voyant au loin d'immenses gerbes d'étincelles. Et tandis que la foule reculait avec des cris de terreur, Anna vit soudain les longs cheveux flottants de Letty en flammes. Arracher son écharpe, en entourer la tête de la fillette, écraser les flammes sous ses doigts, fut l'affaire d'un instant pour Miss Escort. Letty se retrouva bientôt au centre d'un groupe agité, un peu pâle mais souriante, et quand Miss Escort lui eut enlevé l'écharpe protectrice, la tête de la pauvre enfant parut ronde et nue, privée de l'ondoyante parure qui était sa seule beauté. « Arcot, Herlijar, bé !» soupiraient les femmes, apitoyées. Et comme Anna, tout en larmes, prenait Letty sur son cœur, se désolant aussi de la perte de sa magnifique chevelure, Letty lui jeta ses bras autour du cou. « Ça ne fait rien, tante Anna. Moi, j'en suis bien aise. C'était assommant à démêler soir et matin cette perruque. Tant pis, j'étais une laide fille, je serais un laid garçon, voilà tout. Oh, Letty, vous auriez pu être brûlée vive, ma pauvre petite, ma pauvre enfant. » Elles suivirent la princesse en se tenant enlacées et entrèrent avec elle au château. On s'empressa d'abord de panser quelques brûlures légères sur le cou et le front de la fillette, puis la princesse alla s'occuper d'un souper pour Axel et ceux qui l'aidaient, et les deux jeunes filles demeurèrent seules dans le cabinet d'Axel. Anna ne pouvait se lasser de caresser les cheveux grillés de Letty, de la serrer sur son cœur. Dire que l'enfant venait d'échapper à une mort si cruelle, si épouvantable, et cela au moment où Anna était fâchée contre elle, l'avait traitée durement, sévèrement, à cause de ce misérable Klutz. Oh, qu'importait tout cela ? Quelle misère ! Peut-on négliger ainsi les choses réelles pour s'attacher aux apparences ? Klutz, que pèserait Klutz dans la balance si Letty avait péri de cette façon atroce ? Tante Anna, fit soudain Letty en serrant contre l'épaule de Miss Escort, lui prenant la main et la couvrant de baisers. J'étais encore plus vilaine que vous ne pensez. Écoutez, il faut que je vous le dise. Tant pis si vous me renvoyez après. Et tout bas, Elle confessa son crime, l'envoi de sa pièce de verre signée d'Anna au misérable candidat. Miss Estcourt fut certes navrée de cette péripétie, mais sa joie que Letty eût échappé à l'affreux danger couru effaça bientôt son déplaisir. « N'y pensons plus, mignonne, » dit-elle en embrassant la fillette. « Oublions jusqu'au nom de cet affreux Herr Klutz. L'important, c'est de s'aimer et d'être bons les uns pour les autres, n'est-ce pas ?» Ainsi s'accomplit la réconciliation entre Miss Estcourt et sa nièce. Quand tout danger de l'incendie se propageant fut écarté, le maître de l'homme rentra chez lui noir de fumée, les cheveux et la moustache roussis. Il fut agréablement surpris de trouver le vestibule et la salle à manger éclairée et un abondant souper préparé pour lui et les voisins qui étaient accourus à son aide. Tous entrèrent se rafraîchir, et si la présence des dames de Kleinwalde à l'aube à cette heure leur parut surprenante, ils n'en firent rien paraître. La question maintenant sera de mettre la main sur le coupable, fit Elvig de sa voix rude en posant d'un geste sec son verre vide sur la table. « Ah oui, le coupable !»« Hélas, messieurs, gémit le pasteur, c'est là le côté fâcheux d'un événement d'ailleurs providentiel. Dire que nous avons nourri, réchauffé un incendiaire dans notre sein. » « Il m'a en tout cas rendu un service signalé, » dit Axel, remplissant les verres. « Mais au péril de son âme immortelle, » soupira Manske. Il paraît impossible que la chose ait été faite à dessein ou par un être raisonnable, » fit Anna songeuse. « Je pense comme vous, » dit Axel. « C'est peut-être un idiot, un malheureux fou ou un enfant. » Le feu a éclaté immédiatement après que je vous eus rencontré, monsieur Delhomme, » interrompit Delvig. Vous n'étiez pas à 100 mètres des écuries rentrant vers le château. Vous veniez donc de passer devant les communs. Et vous n'avez vu personne ? Personne, répliqua sèchement Axel. Il y avait dans le ton du régisseur quelque chose d'agressif qui annonçait qu'il se préparait à un grand déploiement de zèle dans la recherche du coupable. Et persuadé que ce coupable était Klutz, Axel, pour toutes sortes de raisons, désirait le voir échapper. C'était l'heure du souper, continua Delvig, paraissant réfléchir profondément. Tous les hommes devaient être à table. Vous êtes entré dans les écuries, Gnelli Grer ? Gracieux Seigneur. Non. Encore un verre de vin, messieurs ? Prenez donc un cigare. Quel que soit le coupable, il m'a rendu service, cela est certain. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet, dit lentement Delvig, les yeux rivés sur Axel. « Ma foi, je m'arrangerais bien qu'il m'en arrivât autant, » fit un des fermiers d'un air jovial. « Et moi de même, » ajouta un autre avec un gros rire. « Messieurs, messieurs, ne plaisantons pas devant le crime, » gémit le pasteur. « C'est égal, » reprit Delvig, « il y a quelque chose qui surprend dans l'acte de ce malfaiteur. Pourquoi aller mettre le feu à de vieux bâtiments sans valeur, et d'ailleurs assurer, tout le monde le sait, au lieu de s'attaquer aux arbres, par exemple, qui ne le sont pas, je crois ?» « C'est justement pour cela que j'ai pensé un idiot ou un enfant, » interrompit Axel. « Un ennemi aurait choisi quelque chose dont la perte pût m'être sensible. »« Il faudra le pincer, idiot ou non, » fit Delvig. « Je ferai mon devoir, » répliqua Axel d'un ton raide. « Et vous pouvez compter sur mon concours le plus actif, » continua l'autre. « Vous êtes bien bon. » Le ton, le regard de Delvig, firent frissonner Anna sans qu'elle sût pourquoi. « Quel homme odieux ! » Il était ce soir plus détestable encore que de coutume. « Quelle peine affligera-t-on à ce malheureux si on le prend ? » demanda-t-elle à M. Delhomme. « On commencera par le mettre dedans, » dit le régisseur. Anna se détourna. « Mais si c'est un idiot, un malheureux privé de raison ? » continua-t-elle en s'adressant à l'homme. « Êtes-vous obligé de le poursuivre ? Ne pouvez-vous le laisser tranquille ? Après tout, il vous a rendu service. » « Je suis obligé de le chercher. » En ma qualité de Amtsvorsteher, dit Axel. Et la gracieuse Miss devrait considérer, brailla Delvig derrière elle, elle lui fit face. Que dois-je considérer ? Demanda-t-elle dédaigneusement. Les droits imprescriptibles de la justice, ceux de l'humanité d'abord. Noble, noble jeune fille, soupira Manske, les yeux au ciel. Les sentiments de la gracieuse demoiselle, fit Delvig en s'inclinant jusqu'à terre, font comme toujours honneur à son cœur. Et moins son intelligence, murmura Anna en anglais, souriant à M. Delhomme. Ne lui parlez pas, répliqua vivement celui-ci dans la même langue. Cet homme nouait, tous deux. Chère princesse, ajouta-t-il tout haut en allemand, ramenez Miss Escort chez elle, elle tombe de fatigue. En arrivant au Kleinwald, plus lasse en effet qu'elle ne l'avait été de sa vie, Anna se trouva face à face avec Frau von Treumann et la baronne qu'une dévorante curiosité avait tenue hors du lit jusqu'à cette heure tardive. Mais en vain, elles accablèrent de questions leur jeune hôtesse. « Je n'ai rien à vous dire. Le feu est éteint. Non, monsieur Delhomme ne sera pas ruiné. À demain, je tombe de sommeil, » répétait-elle en allumant son bougeoir pour monter dans sa chambre. « Et quand nous vous avons entendu, pleine d'inquiétude, est-ce là notre récompense ?»« Anna ?» demanda la Treumann d'une voix sépulcrale. Quand, ignorant tout de vos démarches, nous demandant sans oser l'espérer si la princesse vous accompagnait, vous protégeait de sa présence, ajouta la baronne. Ma chère amie, qui donc, excepté vous, aurait pu en douter? Demanda gaiement la princesse en dégrafant son manteau. Quand, reprit la Treumann, nous avons fait veiller les servantes, ordonnant qu'on tînt de l'eau bouillante prête pour le cas où vous désiriez prendre en rentrant une tasse de quelque chose de chaud. Oh, quel dommage! Combien je regrette que n'importe qui ait veillé pour moi. Je n'ai besoin de rien, que de repos. Bonsoir, à demain. Quand, bravant nous-mêmes la fatigue, si vous saviez combien j'en suis désolé, couchez-vous vite, si vous tombiez malade. En vérité, Anna, votre conduite est surprenante. Mais non, qu'ai-je donc fait? Bonsoir. Elle gravit l'escalier avec peine, se tenant à la rampe et essayant de sourire au visage en courroux qu'on levait vers elle. L'horloge du palier sonna lentement trois coups, et un aphorisme de Napoléon sur le courage de 3 heures après minuit lui revenant soudain en mémoire, Anna se demanda s'il n'avait jamais rien formulé à propos de l'affection réciproque à cette heure-là. Miss Escort rentra tristement dans sa chambre. Elle venait de faire une bien fâcheuse découverte. C'est qu'à 3 heures du matin, elle n'éprouvait vis-à-vis de ses élus qu'une indifférence voisine de l'aversion.